LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Alors, Caroline Gros, je sonne. Appel en cours. Philosopher avec son corps, bienvenue en phénoménologie. Épisode 3, une approche existentielle du soin psychique. La porte est ouverte. Élise Gruau, Marie-Laure Ciboulet. Par une révolution surprenante, Binswanger, parti de l'horizon classique de la psychiatrie, en est venu à remettre entièrement la psychopathologie dans la perspective de la liberté et de la vérité. L'univers pathologique du malade sera envisagé du point de vue des formes de sa liberté et de la manière dont sa liberté radicale se projette dans telle ou telle forme d'existence. Michel Foucault, Binswanger et l'analyse existentielle. Bonjour, merci. Je vais vous asseoir pour vous déchausser. Je suis contente de vous accueillir. Asseyez-vous où vous voulez. On laisse les chaussures dans l'entrée. Oui, c'est le principe du cabinet. On laisse ses gros sabots, ses gros souliers à l'entrée. Et on entre pieds nus, on prend conscience de ses appuis et surtout on se déleste de son rôle social aussi. C'est pas mal. Nous sommes entrés dans un lieu intime par excellence, le cabinet du psy. Alors comment philosopher avec son corps quand il s'agit de prendre soin de la vie psychique? Et pourquoi la phénoménologie? Je m'appelle Caroline Gros, je suis psychanalyste à Marseille, psychanalyste et philosophe. J'ai beaucoup traduit la phénoménologie, j'ai traduit Heidegger, les séminaires de Zurich qu'il a donné devant un public de psychiatres. Et je suis surtout l'élève de Ludwig Binswanger, qui est l'inaugurateur d'un courant de thérapie qu'on appelle l'analyse existentielle. Et l'analyse existentielle, au sens de Ludwig Binswanger, c'est la réunion de courants qui ne sont pas antagonistes, mais qui se marient et qui convergent et qui se sollicitent mutuellement, la psychanalyse d'un côté, la phénoménologie de l'autre. Et c'est avec l'apport de ces deux grandes sources que l'on peut travailler en analyse existentielle. Mais on ne parle jamais de théorie ici, mais moi, mes outils sont issus de ces deux grands champs, qui sont des champs qui, depuis que j'ai commencé mes études, on m'apprend à séparer. Et bon, voilà, moi je m'emploie à réunir, à faire converger ces deux courants, parce que je trouve qu'ils s'alimentent l'un l'autre. Donc, pas d'exclusion, de l'inclusion. Voilà. Et l'auteur de référence pour moi, c'est Ludwig Binswanger. C'est un descendant dans une famille de psychiatres. C'est la troisième génération. C'est une famille juive allemande qui s'installe en Suisse, près de Zurich, à Kreuzlingen, qui crée une clinique qui s'appelle la clinique Bellevue. Il est à la fois contemporain de Heidegger. Heidegger a été au même lycée que lui, au lycée Suzeau de Constance. Et donc, dans cette région-là, il rencontre à la fois Husserl, qu'il fait venir à la clinique, il rencontre Heidegger, il rencontre bien d'autres, hein, Emil Steiger, enfin, cette clinique, c'est aussi un lieu de culture. Et ce qui est typique de ce courant-là, c'est non pas de se fermer sur lui-même, mais d'ouvrir et d'englober. C'est-à-dire que Binswanger, en proposant ce qu'il a appelé en allemand une Daseinsanalyse, une analyse existentielle, mais une analyse, on va dire, plutôt de l'exister, c'est-à-dire de l'être au monde, hein, comment est-ce que j'existe pratiquement, comment est-ce que mon être au monde est fondé, spatialement, temporellement, bon. C'est vraiment la grande question de la thérapie. Mais pour lui, c'est une question dans laquelle la psychanalyse est entièrement immergée. C'est-à-dire qu'il est proche de Freud, il lit Freud, il a compris Freud. Et d'une certaine façon, Freud, ça ne lui suffit pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il le rejette. Il englobe et il passe aussi un peu à autre chose, parce que cette histoire des pulsions, bah, pour lui, c'est un peu limitatif. On ne peut pas limiter quelqu'un à l'histoire de sa vie naturelle, aux pulsions orales, anales, etc. Donc tout ça est englobé dans quelque chose qu'il appelle plutôt les flexions de l'existence, c'est-à-dire comment est-ce que chacun est tourné vers le monde et quelles sont les dispositions qu'il a à sa disposition pour rester ouvert au monde et à quel endroit il y a des points de fixation, des points de stagnation, et en particulier, ces points de stagnation, on les trouve dans le corps. C'est le corps qui se met à parler. Nous, on va au pavillon Solaris, c'est l'hôpital psychiatrique. Arthur Tatossian, donc, qui a été le professeur de psychiatrie, qui a initié Jean Nodin, Jean-Michel Azorin et d'autres à la phénoménologie, était marseillais. C'est un Arménien installé à Marseille, un germaniste et qui a vraiment lu tous les textes de psychiatrie phénoménologique. Il les a lus et il a écrit ce qu'on appelle une phénoménologie des psychoses. Il a fait un rapport à un congrès de psychiatrie, je crois, dans les années, je sais plus, 50. Et à partir de là, c'est vrai que s'est créée à Marseille une école de psychiatrie phénoménologique. Alors donc, pourquoi la phénoménologie ? Déjà parce que les plus grands noms de la phénoménologie se sont intéressés à l'exploration de la vie psychique, ses arcanes et ses souffrances, dans la perspective d'une philosophie de l'existence. Husserl, Heidegger, Sartre après eux. Parce que, aussi, la phénoménologie a inspiré le courant de l'antipsychiatrie, en portant une vigilance particulière à comment ne pas enfermer le patient dans un regard objectivant, comment ne pas exclure l'expérience des personnes souffrantes du champ de l'expérience humaine, telle que la notion de folie et le dispositif des asiles ont pu le produire. Fin 2021, la publication coup sur coup de deux inédits de Michel Foucault a révélé que le philosophe, dès les années 50, s'intéressait aux approches novatrices inspirées par la phénoménologie, et notamment au travail de Ludwig Binswanger. Foucault y trouva les premiers matériaux de ce qui deviendra sa grande histoire de la folie à l'âge classique. Que ce soit l'analyse existentielle, la psychiatrie phénoménologique ou encore la gestalt-thérapie, ces courants bien vivants aujourd'hui se revendiquent tous des apports de cette nouvelle philosophie. Ce que veulent déterminer des psychiatres comme Bleuler, ce sont les modifications apportées par la maladie au monde du sujet. Un monde normal est présupposé, et le monde morbide est analysé sur le mode de la soustraction, comme le résultat des processus qui ont altéré, perverti ou oblitéré telle et telle région de ce monde normal. Ce n'est pas en ce sens que la Daseinsanalyse parle de l'univers d'un schizophrène. Il ne s'agit pas de savoir quelles altérations de son univers le dénoncent maintenant comme schizophrène, mais seulement dans quel univers vit cet homme que le psychiatre désigne comme schizophrène. Ce n'est pas dire seulement que l'espace ou le temps d'un malade, au lieu d'être un espace rétréci et un temps altéré, est un autre temps et un autre espace. C'est dire tout uniment, mais c'est là le point capital, que le monde de cette schizophrène-ci n'est rien d'autre que son monde, avec son temps, son espace et son entourage humain. C'est refuser de demander compte de cet univers à la maladie, pour en chercher le fondement dans le malade lui-même. Et non pas en tant qu'il est malade, mais entend seulement qu'il est homme, qu'il est existence, qu'il est libre. Le monde d'un homme malade, ce n'est pas le processus de la maladie, c'est le projet de l'homme. Michel Foucault, Binswanger et l'analyse existentielle. C'est quel pavillon que vous arrivez ? On va au pavillon Solaris. Solaris. On arrive à l'entrée sud de l'hôpital Sainte-Marguerite. Nous avons rendez-vous avec le professeur Jean Nodin, qui nous ouvre les portes de l'hôpital psychiatrique où il travaille dans cette perspective d'analyse existentielle avec ses patients. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de la chaise ? Eh bien, elle est confortable, elle est moelleuse. Voilà, c'est une chaise phénoménologique. Et c'est quoi une chaise phénoménologique ? Non, en fait, ici, une partie du mobilier a été pensée ou recherchée essentiellement pour avoir la même fonction thérapeutique que le bâtiment tout entier. C'était une idée de départ et ça s'est cristallisé sur quelques objets. C'était l'idée qu'on puisse se sentir bien et être un petit peu étonné quand on s'assoit sur une chaise qui est confortable comme un fauteuil, en fait. Voilà, c'est l'étonnement. C'est une chaise plastique, donc on s'attend à ce qu'elle soit rigide comme toujours. Et puis en fait, non, on est accueilli, elle est souple. Oui, c'est l'idée de se sentir bien, accueilli. Mais bon, c'est symbolique, en fait. Je pense que de temps en temps, il y a quelqu'un qui s'en aperçoit. C'est ce qui est intéressant. On va aller dans une unité de soins, une unité temps plein. On vous suit. Allez. J'en ai 20, vous êtes psychiatre et vous dirigez cette unité d'accueil psychiatrique à l'hôpital de Marseille Sud. Quel était votre projet ? Parce que vous avez une façon particulière de pratiquer la psychiatrie. Je pense que je pratique la psychiatrie comme tout le monde. Mais que ce qui m'intéresse peut-être dans l'expérience psychiatrique, c'est aussi des questions qu'elle pose qui sont des questions philosophiques. Alors personnellement, mon premier choix de la psychiatrie était certainement en rapport avec une attitude un peu étonnée, marqué par un intérêt pour la philosophie, je pense. Puis il y a tout un contexte culturel qui fait que au moment où j'étais adolescent, l'antipsychiatrie et le rock allaient ensemble. Qu'est-ce que c'est que la personnalité, l'identité, comment ça se construit, comment ça se développe, qu'est-ce que c'est que le monde, la permanence du monde. Toutes les chansons des groupes de rock sont pénétrées de ces idées-là. La psychiatrie, c'était vraiment quelque chose qui était branché sur le monde. Alors, c'est un escalier, mais c'est aussi un instrument de musique. C'était pas prévu pour, mais pas mal de patients ou de personnes, quand ils le descendent et qui sont seuls, font ce bruit par jeu. J'ai commencé ma psychiatrie dans les années 80. J'avais 23 ans. C'était une période pendant laquelle il y avait tout le mouvement antipsychiatrique italien, qui était aussi inspiré par la phénoménologie. Un jour, je suis tombé sur la phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty. Et ça, c'était une découverte. Qu'est-ce que ça permettait de découvrir ? Le rapport du corps et du monde. L'idée même du corps vécu. La psychanalyse m'intéressait aussi. Il y avait un rapport entre la psychanalyse et la phénoménologie qui était assez net. Et puis bon, après j'ai été très médecin dans ma formation, en fait. J'aimais l'anatomie, j'ai hésité entre la chirurgie et la psychiatrie. Je pense que la question du corps m'intéressait, probablement parce que je n'étais pas forcément très à l'aise non plus. Vous voulez dire très à l'aise dans votre corps ? Oui, dans ma manière d'être, j'étais très... J'éprouvais un besoin d'originalité qui était excessif. Vous avez vu que la plupart des bureaux, en fait, il y a des baffles qui servent à isoler, en fait, le point de vue sonore. Ce qui fait que le son a été particulièrement étudié dans le bâtiment lui-même, en fait. Pour pas qu'il y ait trop de sons d'hôpitaux dans le style sabot sur le sol. Il y a eu une attention particulière dès le départ, en fait. Donc c'est ça, c'est ces grands blocs blancs là sur les murs qui vont... Des baffles acoustiques. Et puis, lorsque j'ai commencé mon internat, je suis allé voir mon futur patron, qui s'appelait Arthur Tatossian. Et là, par une sorte de chance extraordinaire, je suis tombé sur le psychiatre phénoménologue français. Il avait une manière de faire un entretien qui était extraordinaire. Sa présence était fondamentale. Peut-être que ce qui caractérise les psychiatres inspirés par la phénoménologie, c'est de faire une clinique en présence. Que ce soit la présence d'autrui ou la sienne propre, c'est en fait une interrogation de qu'est-ce que ça veut dire être présent ? Qu'est-ce que c'est que la présence ? Et tous les psychiatres phénoménologues ont cette caractéristique d'être là, quand ils font un entretien. D'être là sans théorie préconçue, sans technique préconçue, alors même que ça se pratique dans une expérience professionnelle qui présuppose par elle-même un recours à des techniques. Si on parle avec des patients ici, presque la plupart ont des traitements biologiques et souvent, malheureusement, le psychiatre et le patient ne parlent que de ça, que de la prescription, que du fait d'être bien docile et de prendre son traitement, du fait que la maladie guérira si on prend son traitement, etc. Tout ça, c'est de la technique. Si on est plus attentif à la présence, on fait en sorte que ce dispositif technique n'apparaisse pas en premier. Et ça, ça n'est possible que si c'est l'humain qui est dans l'homme, qui est posé là, devant. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour. Élise Dugruot qui fait une interview, qui vient ici nous rendre visite, éventuellement pour voir si la psychiatrie phénoménologique, ça existe. On va peut-être aller voir Olivier, que j'avais prévenu. Jean Naudin nous invite auprès d'Olivier, son patient, pour assister à leur entretien et à la façon dont il se déploie dans une approche phénoménologique. Comment la relation s'établit-elle entre eux ? Bonjour. Bonjour Olivier. Comment le thérapeute rejoint-il son patient dans son expérience de l'existence ? Et qu'est-ce que ce lien produit ? On se connaît depuis très longtemps, nous. Une quinzaine d'années. Depuis une quinzaine d'années, et avec beaucoup de péripéties, de moments très malmenés de l'existence, et puis des moments où les choses s'apaisent, des projets, des déceptions, une vie, quoi. C'est-à-dire que dans la bipolarité, tout était exacerbé. Oui. Alors dans la bipolarité, vous parlez du diagnostic que l'on vous a donné. Parce que pour moi, ça fait allusion à un diagnostic. On vous a dit à un moment donné que vous étiez bipolaire. Oui. Que c'était un trouble. Un trouble de l'humeur. Un trouble de l'humeur. Peut-être le fait, par exemple, de savoir que ça avait un nom, ça a modifié quelque chose dans votre vie. Non, parce que je m'en doutais. Voilà. Comment vous vous en doutiez ? Comment vous en étiez aperçu ? Parce que mon père était bipolaire. Oui, donc vous l'aviez déjà rencontré chez d'autres. Il avait des hauts et des bas, lui aussi. Oui. Comment on vous l'a annoncé après le diagnostic de bipolarité ? Mais c'est vous qui l'avez posé. Oui, je ne me souviens pas comment je l'ai dit. Mais j'étais venu vous voir avec ma mère, c'était au printemps 2005 ou au printemps 2006. Et on vous avait décrit des troubles et ma mère et moi, on vous avait demandé ce que j'avais, quoi. Vous aviez répondu, tout le second entretien, je pense, vous avez posé le diagnostic de troubles bipolaires. Et le but de cette interview, c'est quoi, en fait ? C'est d'essayer de montrer de quelle façon la philosophie influence les entretiens psychiatriques ou pas, en particulier bon, la philosophie qu'on pratique un peu dans le service. Je dis on parce qu'il n'y a pas que moi, Michel qui vous connaît est aussi inspiré par cette pratique philosophique. Oui. Et je vous en ai parlé d'ailleurs en vous prévenant pour cet entretien. En fait, vous m'avez demandé qu'est-ce que c'est la phénoménologie. Oui. Je suis allé regarder sur Wikipédia, j'ai pas compris d'entre eux. Rassurez-vous, je pense que la plupart des gens ne comprennent pas grand-chose. Quand ils vont chercher phénoménologie dans Wikipédia, c'est trop compliqué. Mais quand même, on avait parlé de Sartre la dernière fois. Oui, parce que je l'ai lu au lycée. J'avais beaucoup aimé, mais je ne me souviens plus maintenant. C'était il y a plus de 30 ans. Hein. J'avais beaucoup aimé les mots, surtout les mots et huis clos. Vous évoquez, Jean Naudin, d'arriver en entretien avec vos patients avec une suspension du jugement, une suspension des théories. Ça rappelle le terme d'époquer, ce concept qu'on retrouve dans toute la phénoménologie de suspension du jugement. Dans la relation, qu'est-ce que ça permet de faire émerger chez le patient et pour vous ? cette idée de suspension du jugement, c'est peut-être un mythe. Mais c'est un mythe fondateur. Et c'est un des mythes fondateurs de la pratique phénoménologique. Cette idée de se rapprocher de la chose elle-même, c'est-à-dire du fait clinique, mais aussi de l'être humain, dans cette situation-là. En fait, on essaie de s'approcher du monde. Et les théories préconçues nous empêchent cet accès à la chose elle-même. Ou en tout cas, peut-être qu'elles nous le révèlent déjà formaté et déjà pensé. L'idée, c'est de revenir à la naissance de la pensée clinique, en fait. Il est possible qu'on n'y arrive jamais, ou qu'on n'y arrive que par instant, que par clignotement. Et à certains moments, on arrive, en clignotant comme ça, à instituer une espèce de champ philosophique commun. En analyse existentielle, le langage, il accompagne l'existence. Il n'est pas premier, il ne domine pas. Caroline Gros. Il n'y a pas de primauté du langage. Et d'une certaine façon, chez Binswanger, on peut dire que le silence est premier. Le silence, c'est vraiment à l'intérieur, dans le silence, qu'on peut avoir conscience de ce qu'il va appeler le « nous ». Parce que Binswanger, dans les années 40, en pleine guerre, écrit un grand traité qui n'est toujours pas traduit, 800 pages ou 900 pages, qui s'appelle « Les formes fondamentales de l'amour », dans lequel, même si ça ne traite pas de l'analyse existentielle, on sent bien que c'est son métier de psychiatre qui lui fait écrire que le « je » et le « tu » forment un « nous ». Et il est clair que à l'intérieur d'une séance, dans le travail que l'on mène, un « nous » est à l'œuvre et on ne sait plus, quand on parle avec son patient, qui a pensé cela en premier, qui a, d'une certaine façon, avancé cela. On avance ensemble et on avance ensemble avec un point, un contrepoint, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une sorte de dialogue thérapeutique qui s'instaure à l'intérieur d'une relation qui, bien sûr, est là au service du patient. Il ne s'agit pas d'une relation interhumaine comme on peut en avoir avec un ami. Mais ce n'est pas si loin. C'est-à-dire que je crois que si on ne peut pas être en amitié avec un patient, on ne peut pas travailler avec lui. Il va falloir créer ce lien, et créer ce lien qui, en général, soulage. Nous sommes des caisses de résonance. Quand vous tapez sur un tambour, s'il y a un deuxième tambour dans la pièce, il va résonner aussi, alors que vous ne tapez pas dessus. Et donc, nous considérons un petit peu la rencontre et les éléments de la rencontre de cette manière-là. Je vibre de la rencontre, vous vibrez de la rencontre. Claudia Gollet, gestalt thérapeute. Le client, quand il arrive souffrant, il s'intéresse à son passé, à son histoire, à l'extérieur, à dehors, à sa relation avec son patron. Et ça, c'est normal, évidemment. Mais mon travail, mon premier travail, c'est de l'intéresser à ce qui se passe entre nous, qui va nous renseigner beaucoup plus sûrement sur comment je vais pouvoir l'aider à créer de la nouveauté, du différent, à se différencier de la représentation qu'il a de lui-même, d'ailleurs. Et ça fait référence à un concept de la phénoménologie qui est très présent dans notre posture, c'est l'époké. Et ça, c'est très, très précieux, l'époké. Si la suspension du jugement, c'est pas je vous critique ou j'ai une mauvaise idée de vous, c'est pas du tout ça. C'est que j'ai toujours une représentation à propos des choses, hein. Et donc si vous me dites, tiens, ça fait longtemps que nous parlons ensemble là, moi je vais entendre votre longtemps à partir de mes représentations à moi. Hein, et longtemps pour moi, c'est 2 heures, c'est trop longtemps, c'est qu'est-ce qu'elle est en train de me dire là, je parle trop. Vous voyez, donc ma représentation va tout de suite colorer. Et je vais partir bille en tête, en ayant l'impression de comprendre ce que vous dites, mais en fait, c'est mon longtemps à moi que j'ai compris, mais pas le vôtre. Donc la suspension du jugement, ça veut dire que je vais mettre entre parenthèses, en suspens, toutes mes représentations. Et sur des choses qui semblent aussi banales qu'un mot comme celui-là, « longtemps », je vais plutôt être curieuse de votre expérience à vous. Et donc, je vais vous demander, quand tu dis « longtemps », qu'est-ce que tu veux me dire? Comment tu expérimentes longtemps, toi? Et la plupart du temps, je vais être extrêmement surprise. Et donc, il y a vraiment toute une déconstruction de ce quiproquo qui fait que je suis curieux de votre expérience et je vais vous amener à être curieuse de la mienne, hein, pour qu'on regarde toujours pareil ce qu'on va en faire ensemble, hein, de cette rencontre des différences. J'ai 48 ans et je cherche encore ma place. Je me fais du souci parce que je ne suis plus qu'à 15 ans de la retraite. La retraite était en 64 ans et j'ai pas de place dans la société, quoi. Si ce n'est ici dans un hôpital psychiatrique. Vous vous sentez exclu de cette place? Ou vous avez le sentiment de l'avoir occupée parfois? Ou qu'elle est à créer? Oui, je l'ai occupée parfois, oui. J'ai eu le travail. Il faut travailler pour occuper une place. Bah, en tout cas, c'est ce que la société attend de nous. Si on ne compte que sur elle, on donne une place pas à tout le monde. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait une place que la société nous donnerait. Est-ce qu'elle est parmi nous, cette place? Est-ce que cette place est en nous? Oui. Ah, je ne sais pas. Mais vous savez, aujourd'hui, je ne suis pas très en forme. Il y a des jours où je ne suis plus loquace. Ce n'est pas une question facile que je vous ai posée. C'est une question à laquelle moi-même, je ne sais pas toujours répondre. Alors que je vous ai vu la dernière fois, je suis venu vous demander vous proposer l'idée d'être interviewé comme ça dans le cadre de cette émission. On a parlé ensemble, et puis on avait parlé de l'expérience que c'est d'entendre des voix, de faire cette expérience-là. Une fois, ça m'est arrivé. Voilà. Et si vous voulez, par exemple, on peut aussi parler de ça, parce que ça rendra explicite peut-être. Une fois, ça m'est arrivé d'entendre une voix. Et j'ai des hallucinations visuelles aussi, des fois. Mais uniquement quand je ferme les yeux. C'est plutôt des apparitions. Des apparitions? Pourquoi ce mot? Parce que c'est pas très clair. C'est pas comme une photographie. Comme un halo? Non. Pourquoi un halo? C'est le mot pas très clair qui m'a fait penser à ça. Non. Puis l'idée que parfois certaines personnes ont... vivent, ressentent, perçoivent l'apparition de l'âme de quelqu'un en percevant une sorte de halo. C'était ça les associations d'idées que j'avais dans la tête. Qu'est-ce que vous entendez par halo? Quelque chose un peu flou, comme ça, un truc qui entoure la présence corporelle. Donc le mot d'apparition, ça renvoie à quoi? À la religion. Ces apparitions, elles parlent en même temps ou pas? Non. Non, c'est pas des paroles, c'est une apparition. Qui vous indique quelque chose? Ben une fois, je pense que j'ai vu les pieds du Christ. Ou alors, quand je ferme les yeux, il y a des lumières. J'ai des lumières, je vois des lumières. C'est comme si c'était tout étoilé dans ma tête. Ça me le fait très souvent, ça. Et quand je me concentre, les lumières, là, j'arrive à les amplifier ou à les diminuer. C'est des expériences très différentes, maintenant, que vous êtes en train de nous décrire. C'est pas la même chose de voir les pieds du Christ pareil. Que de... Voilà, c'est ça. C'est pas pareil. Le psychiatre va se dire quel est le diagnostic. Et donc procéder dans son entretien pour chercher à identifier la maladie sur des critères, etc. Le psychiatre inspiré par la phénoménologie va tenter d'emblée de ne pas se demander quel est le diagnostic, mais qu'est-ce qui fait qu'un diagnostic peut apparaître comme nécessaire? Laisser ouverte une question sans la résoudre en posant un diagnostic, simplement. C'est ce que font tous les psychopathologues, au fond. Les psychanalystes, je pense, sont très souvent comme ça aussi. C'est une expérience qu'il est difficile de décrire parce que elle commence à se différencier de l'expérience médicale pure, mais c'est un travail constant, parce qu'on est formé comme médecin, on nous prête un rôle de médecin, on nous prête un pouvoir médical, je veux dire qu'il faut pas s'identifier à ce rôle-là pour pouvoir être en présence. Et l'époqué, c'est peut-être cette attitude d'étrangement. L'autre est un autre. Et cette humanité semble questionner tout particulièrement par la vulnérabilité peut-être ou la fragilité la présentation de cette personne ou par sa rigidité ou par son indifférence ou par sa perméabilité ou par son intrusivité. En fait, on peut voir toutes les situations, mais la situation semble parfois manquer de naturel. Voilà, c'est une impression d'inquiétante étrangeté, pour reprendre la... Mais ça, tout le monde l'a, en fait. C'est ce qui est intéressant, c'est que c'est pas quelque chose qui est construit par une approche théorique. C'est juste retrouver, essayer de laisser être cette expérience, peut-être pour pouvoir la modifier, ou pour pouvoir lui trouver un sens, ou pouvoir juste se dire qu'elle est là. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? De plus rendre en merde. Avoir 30 ans de moins et reprendre des études. Je crois que si je n'avais la possibilité, je serais rentré dans les ordres. Mais j'ai un poème là que je peux vous dire, comment porter l'aumônière, parce que ça résume bien. À la fin de sa vie, un homme rêve qu'il chemine sur la plage en compagnie de Jésus. En regardant en arrière, il voit des traces sur le sable, la sienne et celle du Seigneur. Mais à certains endroits, il n'y avait qu'une seule empreinte, et ces lieux coïncidaient justement avec les jours les plus difficiles de la vie du poète. Jour d'angoisse, jour de douleur, jour de peur, le poète se met à interroger le Seigneur. « Seigneur, tu as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie. » Et le Seigneur répond, « Les jours pour lesquels tu ne vois qu'une seule trace sur le sable sont les jours où je t'ai porté. » Je trouve que c'est un très beau poème qui donne espoir dans les moments difficiles. Oui, c'est un beau poème. Et puis il y a l'idée d'être porté. Tout à l'heure, vous nous avez parlé aussi des pieds du Christ que vous aviez vu dans une apparition. Et là, il y a encore une question de trace. Je pense pas que vous ayez fait un lien, mais c'est moi qui fais un lien à l'instant comme ça. Oui. Parfois on avance dans la vie en se sentant porté, et parfois on se sent abandonné et incapable de se porter soi-même. Oui. Tout à l'heure, par exemple, vous avez parlé des soucis. Au fond, disons que vous aimeriez bien, ce qui vous ferait plaisir, c'est d'avoir moins de soucis. Oui, tout le monde en a des soucis. Moi, mon problème, c'est le tabac. Ça me pose des problèmes financiers. Si je ne fumais pas, je vivrais correctement. Parce que je suis propriétaire à 100 crédits de mon appartement, mais c'est comme si je payais un loyer, hein, vu ce que je dépasse dans le tabac. C'est vraiment un souci, là. Vraiment. Ce qui change dans l'approche phénoménologique, c'est qu'on essaye véritablement d'interroger le vécu. Philippe Cabestan, philosophe. Et de pas tout de suite se précipiter sur l'autre du vécu, comme le font les psychanalystes, qui est l'inconscient. Parce que ce rapport au monde est toujours un rapport vécu. Et cette attention au vécu, c'est peut-être ça la marque distinctive de la phénoménologie. En tout cas de la phénoménologie husserlienne. Être attentif à ce qui est vécu, à ce qui est éprouvé, et à la manière, à la modalité dont c'est éprouvé. Parce que le délire, l'hallucination, l'angoisse, une phobie, c'est à chaque fois du vécu. Un vécu qu'il faut ressaisir dans le rapport de l'être au monde, dans l'ouverture de l'être au monde, qui est confronté à l'existence, aux difficultés de l'existence, à la mort, bien sûr, à l'angoisse de vivre, à sa liberté, etc. Ce qui me semble très puissant aussi, c'est ce que vous dites sur c'est l'être au monde, c'est la personne qui est vue comme être au monde, être à l'intérieur d'un monde. C'est le fameux concept heideggerien de Dasein. Dasein, ça signifie être là, quand on traduit littéralement. On peut dire que tout simplement que le Dasein, c'est l'homme déjà, et puis ça simplifiera. Mais Heidegger, justement, veut rompre avec une certaine conception de l'homme, et donc il va mettre de côté ces termes, et il va définir l'homme, le Dasein, comme justement un être au monde. On va partir dans être étant du Dasein, c'est-à-dire de l'être au monde, en précisant que justement, ce qui va caractériser l'homme, c'est, à la différence des animaux, à la différence des choses, c'est ce rapport à la totalité. Être pour l'homme, être signifie être au monde, c'est-à-dire être ouvert à déjà la totalité. Et c'est être au monde avec d'autres hommes. C'est donc un monde qui est partagé. Comme dit Heidegger, c'est un Mittelwelt, c'est-à-dire un monde commun, un monde que nous partageons. Ça me fait tellement de fumer. C'est ça le problème. Tout à l'heure, quand je vous ai demandé qu'est-ce qui vous ferait plaisir, vous auriez pu me répondre une cigarette. Ah, si vous ferait plaisir. Je reviens encore une fois là-dessus, ça serait de vivre de ma foi, quoi. D'arriver à en vivre. De vivre de votre foi. Bien que je me sente abandonné et que ce poème me redonne espoir. C'est une très belle expression, vivre de sa foi. Et pour tout dire, c'est la première fois que je l'entends. Ah bon? Oui. Vivre de ma foi. Parce que par exemple, on peut se demander si c'est pas ce que vous faites déjà. Ben, spirituellement, oui. Là, je me fais du souci sur le temps qui passe. Je me fais du souci sur le temps qui passe. Ça aussi, beaucoup de gens peuvent le comprendre. Parce que je pense que beaucoup de gens se font du souci par rapport au temps qui passe. Mais j'ai souvent l'impression que chaque personne veut dire quelque chose de très singulier, de très personnel là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez dire, vous ? Mais par rapport au travail, par rapport à ma retraite, par rapport à... Et en philosophie, c'est qui votre maître à penser ? Merleau-Ponty. Qui ? Merleau-Ponty. C'est un philosophe phénoménologue. Disons que maître à penser, ça, j'ai interprété ça tout de suite comme quel est l'auteur dont je me sens le plus proche philosophiquement. C'est Merleau-Ponty parce qu'il parle du côté incarné du monde. Par exemple, quand vous avez dit vivre de sa foi, j'ai pensé à ce que Merleau-Ponty aurait pu entendre. Et qu'est-ce qu'il aurait entendu ? Il aurait entendu ça comme une question très profonde qui aurait interrogé le fait que le monde est vivant par la foi qu'on a en lui, qui fait qu'on a une confiance. Ça m'a fait penser une fois que j'ai vu sur Internet qu'il était plus facile de croire en Dieu que de croire dans les hommes. Oui, j'ai retenu sa phrase, vous savez, des phrases qui défilent là, sur Internet. Parce que quand on voit ce que les hommes font, c'est vrai que c'est plus facile de croire en Dieu que de croire en les hommes. Vivre de sa foi, j'ai du mal à quitter cette expression, à la laisser sans suite. Il y a une place tout à fait exceptionnelle apportée à l'affectivité. Disons que dans une certaine tradition, on va dire dans une certaine tradition rationaliste, l'affectivité est considérée comme perturbant plutôt la connaissance, alors que, notamment avec Heidegger, mais pas seulement, l'affectivité, l'angoisse est révélatrice. On retrouve ça chez Sartre aussi, avec La Nausée, ce roman philosophique qu'il publie juste avant-guerre, et au cœur de ce roman il y a cette disposition affective qu'il appelle la nausée et qui est en fait une disposition qui révèle l'être des choses. Non, franchement, moi je me verrais bien moine retiré dans le monastère. Mais au fond, qu'est-ce qui vous en empêche? Le tabac. Il doit y avoir des moines qui cultivent du tabac. Pas. Il faut un alcool qui s'appelle la chartreuse, qui est faite à base d'hysope, et l'hysope c'est une plante divine. Elle est citée 5 fois dans la Bible. Mais les moines travaillent. Hein. Ils ne font pas rien. Hein. Et c'est très lent comme processus pour devenir moine. Dans un premier temps, ils vous accueillent dans un monastère pendant un certain temps. Après, ils vous demandent de retourner à votre vie normale. Et de revenir, ça peut prendre des années. Mais par exemple, essayer ce premier pas de l'expérience, vous ne l'avez pas fait encore. Ben non. Je suis allé, comme je vous avais dit, en pèlerinage à Sainte-Môme au mois de... Excusez-moi, j'ai la bouche un peu sèche. Oui. C'est à cause des médicaments. Oui, j'étais allé en pèlerinage à la Sainte-Môme et... Une vie de moine ne me déplairait pas. En vous disant qu'est-ce qui vous en empêche, je ne vous ai pas donné un conseil non plus. Je ne vous ai pas dit il faut devenir moine. Enfin, j'espère que vous n'avez pas compris comme ça. Non. Ce qui nous inspire beaucoup, c'est qu'en phénoménologie, il y a un attrait particulier pour la subjectivité. Hein, donc on ne considère pas la réalité comme objective à aucun moment. Tous les échanges sont subjectifs, sont vécus comme ça. Et ce qui intéresse en phénoménologie, c'est que ce qui existe pour le phénoménologue, c'est ce qui apparaît dans le moment qui est vécu. Voilà, hein, c'est l'éprouvé du moment. Et donc, effectivement, la gestalt-thérapie va s'en inspirer énormément parce que c'est une thérapie qui se localise dans le moment présent. Et donc, ça supprime des possibilités d'intervention comme, par exemple, une intervention sur la causalité. On peut pas expliquer et aider quelqu'un dans sa difficulté en l'expliquant par son passé. Vous voyez, donc ça, c'est une des racines très importantes que la phénoménologie nous apporte. Donc, il y a la subjectivité, rien n'est objectivement vrai, donc il n'y a pas la recherche d'une vérité, il n'y a pas la recherche d'une cause. Également, il y a cette idée que l'être n'existe pas en tant que tel, séparé du monde, et donc en phénoménologie, l'être au monde est très important, c'est ça qui va être observé, commenté, soutenu, et l'être au monde, ça comporte évidemment la rencontre avec de l'autre, avec de l'environnement plus large que de l'autre. Donc ça va donner à la gestalt cette spécificité qui est que nous sommes une intervention sur le contact, parce que le contact ne peut se commenter que dans le lycée maintenant, que dans l'immédiat de la rencontre, l'immédiateté de la rencontre. Et c'est à cet endroit-là qu'on va intervenir, qu'on va suggérer de la mobilisation, mais seulement après avoir éclairé les phénomènes en cours. Et les phénomènes, c'est ce qui apparaît au fur et à mesure de la rencontre. Et les phénomènes, ce sont des émotions, des sensations, des gestes, des pensées, des représentations, enfin, il y a toute une liste. Et pourquoi cette attention-là à ce qui est présent, pourquoi est-ce que ça, c'est une voie de soins? Alors, c'est une des voies de soins, je vais dire, hein, parce que, vous voyez, c'est toujours pareil. Quand on est en face de la souffrance humaine, et la thérapie, c'est quand même essayer d'aider quelqu'un qui souffre d'une situation, en tout cas. Donc, pour aider, il y a plusieurs voies. L'idée de la phénoménologie, c'est que tout est là, c'est-à-dire toute l'organisation du contacté, donc toute l'organisation des altérations, des difficultés, des représentations qui empêchent un contact va se donner à voir, à sentir, à éprouver. Et à partir du moment où on peut être éclairé sur ce qui est en train de se passer, du moment qu'on vit pleinement ce qui est, déjà de la transformation advient. C'est-à-dire que le mouvement se remet en route, parce que ce qu'on va travailler en gestalt-thérapie, c'est que quand il y a des fixités dans les contacts, quand il y a des difficultés à se rencontrer, à contacter le monde et à se laisser contacter par, eh bien ça a beaucoup de répercussions dans le monde relationnel, évidemment, dans le monde professionnel, dans le monde amical. Et donc si on arrive, vous et moi, à remettre en mouvement ce qui est figé, alors, ça ouvre des possibles, hein, et ça aussi, c'est en phénoménologie, c'est très important, c'est qu'on va viser une ouverture des possibles, et puis après, ce qu'on soutient, c'est sa compétence à choisir. Cette compétence à choisir, elle rappelle là aussi l'ancrage existentialiste. Absolument. C'est là que nous retrouvons une deuxième racine qui est un petit peu moins présente en Gestalt, mais qui a quand même son importance. Hein. C'est effectivement la vision existentialiste du monde. Et dans cette vision existentialiste, ce que la Gestalt a retenu, c'est que nous sommes responsables de nos actes, de l'avenir de ce qu'on a fait de nous. Et responsable, ça veut dire quoi? Ça veut en aucun cas dire qu'on est fautif ou responsable de tout ce qui se passe, mais ça veut dire que nous sommes acteurs dans ce qui est créateur hein, du moment que nous vivons, de la situation que nous vivons. Et donc cette idée que nous allons redonner du choix là où nous l'avons perdu, redonner du choix là où nous ne faisons que faire le même choix encore et toujours dans le contact immédiat, c'est cette idée que nous allons redevenir acteurs de notre vie. Et ça, ça veut dire que dans n'importe quelle situation, nous avons cette capacité et cette mobilité à choisir et à nous sentir responsables de ce que nous créons. Et ça rejoint la phénoménologie dans cette idée, par contre, de la co-création. C'est-à-dire que je suis pas créateur à moi tout seul, je suis pas responsable à moi tout seul, mais je suis co-créateur de la situation. Moi aussi, je pense que si on vit dans un monde qui part en biborine comme ça, c'est que les gens, ils croient plus à rien, quoi. Ouais, ils croient. Mais je suis pas trop en forme. Si vous m'aviez interrogé en état hypomane, vous savez ce que ça veut dire hypomane. C'est un état entre la manie et la dépression. On est en forme, quoi, mais sans excès. Et c'est un état plutôt agréable à vivre. L'interview aurait été de meilleure qualité. Là, depuis la semaine dernière, je me dis qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à cette interview. Sauf que, en en parlant, vous retrouvez un peu un état hypomane. Vous souriez à nouveau, vous êtes un petit peu plus en forme, justement. Vous exprimez avec plus de vigueur. Mais c'est parce que je suis avec du monde. Oui. Peut-être que quand on est avec du monde, on a moins le sentiment de perdre son temps, d'avoir le temps qui est déjà perdu. On a plus de temps. Vous trouvez ? J'en suis pas sûr. Je dis ça à quelqu'un qui rêve de la vie du moine. Quand même, le moine, c'est aussi une vie partagée avec d'autres moines. Oui, ben ça c'est intéressant, ça me plairait. J'ai été baptisé le 1er juin dernier. Oui, moi j'étais en train de me dire que justement, on a. Pendant cet entretien, peu à peu, vous aviez pris une place, vraiment la vôtre. La situation là, que nous vivons ensemble crée un champ dans lequel il va y avoir des ressentis, des émergences, on appelle ça des émergences. Et donc, nous sommes, vous et moi, des récepteurs de ce qui s'y passe. Et donc, tout ne se passe pas dans l'explicite, tout ne se passe pas dans le raisonnable perçu, explicitable. Beaucoup de choses, la majorité des choses se passent dans l'implicite. Ma capacité à nommer ce que je ressens corporellement comme une émotion et comment je la ressens et comment elle m'anime, eh bien, va participer à éclairer ce qui se passe entre nous et la rencontre. Si je peux donner une image, c'est un peu comme le fond de la mer. Ici, il y a des courants qui vont donner un certain type de vague à la surface. Mais si je ne regarde que la vague, que la surface de la relation ou en cours, je ne vois pas tous ces mouvements de fond qui vont éclairer bien mieux ce qui se passe entre nous. Et surtout, parce que c'est ça qui est intéressant en psychothérapie, qui vont nous donner plus d'éléments pour comprendre comment nous allons créer notre avenir ensemble. Parce que ça, c'est une des racines phénoménologiques qui est très intéressante, c'est que ce qui nous intéresse, c'est le moment présent, mais c'est le next. Et le next, c'est le petit pas dont nous allons être créatrices, vous et moi, ensemble. Vous voyez ? Et là, Là est toute la beauté de cette thérapie. C'est qu'on ne cherche pas à changer quelqu'un dans son futur, parce qu'en phénoménologie, le futur n'existe pas non plus. Il n'y a que le moment présent, voilà, c'est tout. On cherche juste à faire des petits pas ensemble. Et donc ça, par exemple, c'est une des données qui alimente toujours ma passion pour cette posture, parce que je trouve qu'elle est très en phase avec les événements actuels, avec la société, hein, et se créer ensemble, hein, ce solidaire-là, hein, cette solidarité-là, elle est extrêmement bonne à goûter. Ce qui est intéressant dans cet entretien, c'est que ce qu'on voit, c'est que finalement, il ne s'est pas passé grand-chose d'extraordinaire. Je veux dire, les questions posées étaient banales, etc. Mais les temps de silence permettait petit à petit d'ouvrir un champ de parole. Mais ça, c'est tous les psychothérapeutes qui pratiquent comme ça. Et la reprise à ce moment-là de la parole permettait parfois d'ouvrir un horizon. Et au fond, au bout d'un certain moment, c'est lui-même qui a trouvé de l'espoir. Alors qu'au départ, il disait qu'il était peu loquace, qu'il n'était pas en forme. Et puis petit à petit, il a trouvé en lui-même le pouvoir de devenir hypomane, comme il a dit. En fait, là, il a trouvé en lui-même tout un champ d'expérience qui était à nouveau ouvert. De ça, il peut rester quelque chose après. La possibilité de trouver en soi. L'approche phénoménologique donne un background, des fondements philosophiques à des pratiques humaines qui sont là depuis plus longtemps qu'elles. Et il a retrouvé le pouvoir que ça pouvait lui donner d'être porté par la religion, par la foi. Se soigner, c'est ça. On n'a pas parlé de maladie, on a parlé de la bipolarité. Et on a parlé de la bipolarité dans le sens où elle ouvrait à quelque chose qui était aussi vivant, qui n'était pas simplement la fermeture d'une maladie. Claudia Gollet, vous êtes une ancienne danseuse classique. Mmh. Comment ce travail sur votre corps a-t-il aiguisé quelque chose qui aujourd'hui est présent dans votre pratique, oui, de thérapeute ? Bien sûr, ça fait partie de mes fondements à moi en tant que thérapeute. La danse classique, ça m'a donné une bonne conscience du corps. Ça m'a donné aussi une bonne perception de l'environnement, parce que quand on danse pas pour soi tout seul. En tout cas, quand on fait de la danse classique, on danse aussi pour les autres, hein, pour leur donner à voir un mouvement gracieux, esthétique, enfin, du plaisir. Donc moi, j'ai eu 17 ans d'apprentissage. Hein, il n'y a pas que du bon en danse classique, ça m'a fait mal aussi. Mais en tout cas, j'ai gardé au service de mon travail de thérapeute cette conscience que le corps est un vecteur non seulement de mouvement, de relation, mais aussi un vecteur de l'émotion, hein, parce qu'en danse classique, ce qu'on cherche, c'est pas tellement de faire un geste technique, oui, bien sûr, mais c'est d'apporter de l'émotion, de vivre de l'émotion et de l'apporter. Et ça rejoint aussi une des racines de la phénoménologie, c'est-à-dire que ce qu'on cherche, c'est l'esthétisme, qu'on appelle l'esthétisme en phéno. Et l'esthétisme, c'est ce moment de rencontre, hein, parce que ça qualifie toujours un moment de rencontre, l'esthétisme, avec de l'autre, de l'environnement, où il se passe un moment de vibration émotionnelle, où le message qui est adressé est plus un message de l'ordre poétique plutôt qu'un discours ou un récit d'eux. C'est on fait passer quelque chose. Hein, et pour donner peut-être un exemple, vous avez vu dans votre vie X couchers de soleil, vous les avez tous trouvés beaux, hein, si vous êtes resté devant. Et puis un jour, vous avez rencontré un coucher de soleil, c'est-à-dire que vous l'avez regardé d'une certaine manière, il vous a touché d'une certaine manière, et à ce moment-là, il y a eu ce moment esthétique dont parle l'art, hein, et qui fait que après ce coucher de soleil-là, vous sentez que vous êtes transformé, vous n'êtes pas tout à fait la même, hein, il s'est passé quelque chose de transformateur. Et donc, la danse classique m'a appris à goûter ce moment esthétique, à refaire sans cesse le même mouvement, et puis à un moment à sentir que là, quelque chose passait et pouvait être réceptionné par le public. Ça danse ensemble, ça vibre ensemble, ça ressent ensemble. Et je quitte la scène et le public quitte son siège transformé. Ça, c'est un des grands bonheurs de ce métier, hein, c'est que on ne fait pas que proposer de la transformation au client. On en sort à chaque fois transformé de chaque séance. Vous voyez, donc c'est très, très gratifiant, très nourrissant. Je pense que ce qui caractérise l'intérêt des psychiatres pour la phénoménologie, l'intérêt de la phénoménologie pour les psychiatres, ou pour l'expérience psychiatrique, quoi. Cet intérêt commun, c'est un intérêt, en fait, pour le style. C'est une approche esthétique du monde qui fait que, bon, on choisit ce métier-là, mais peut-être qu'on aurait pu devenir peintre ou musicien, ou romancier, ou psychiatre, ou paysan, mais d'une certaine façon, avec une préoccupation pour la perception que l'on a du style du monde, du style de constitution du monde, qui fait que l'étonnement va porter la pensée vers une attitude critique esthétique vis-à-vis du monde. Et cette attitude critique en psychiatrie, elle porte au soin. Merci à Claudia Gollet, Caroline Gros, Jean Audin, Olivier et Philippe Cabestan. Merci aussi à la philosophe Elisabetta Basso, éditrice du livre « Binswanger et l'analyse existentielle » de Michel Foucault. Aux équipes du pavillon Solaris de l'hôpital Marseille-Sud, à l'espace Breguet à Paris. Lecture Olivier Martineau. Prise de son Marc Garvenès, Sébastien Huel, Yvan Charby et Martin Troadec. Mixage, Manuel Couturier. Documentation, Anne-Lise Signoret. Archive INA, Inès Barja. Attaché d'émission, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Clairvent. C'était Philosopher avec son corps, bienvenue en phénoménologie. Épisode 3, une approche existentielle du soin psychique. Un documentaire d'Élise Gruau, réalisé par Marie-Laure Ciboulet.